Thank you.

appli où tu peux jouer sur la plage parce qu'il y a les piles. Je l'ai ressorti, je l'avais depuis un moment.